Chapitre 15e. Une fois, par un soir de pleine lune, la sirène avertisseuse d'attaque aérienne retentit pendant que Chips faisait une classe de latin à ses élèves de 4e. Les canons commencèrent à tonner presque instantanément, et comme des quantités de shrapnel tombaient dehors, il estima qu'ils feraient aussi bien de rester où ils étaient. Au rez-de-chaussée du bâtiment d'école, il était assez solidement construit et offrait le meilleur abri qu'on pût trouver à Brookfield. Quant à un coup direct, ma foi, il ne pouvait espérer en réchapper, où qu'ils fussent. Il continua donc à faire du latin, élevant un peu plus la voix au milieu des détonations de canons et des sifflements aigus des obus contre avions. Certains élèves étaient nerveux, bien peu restaient capables d'attention, et il dit doucement. Il est bien possible, Robertson, qu'en ce moment particulier de l'histoire universelle, les affaires de César en Gaule, il y a 2000 ans, n'aient qu'une importance assez secondaire, et que la conjugaison irrégulière du verbe « tolo » soit encore moins importante. Mais croyez-moi, mon cher Robertson, il n'en est vraiment rien. À ce moment précis, une explosion particulièrement forte se produisit tout près. On ne peut pas juger de l'importance des choses par le bruit qu'elles font. Ah, grand Dieu, non ! Allégez ricanement. Et ces choses, qui ont compté pendant des milliers d'années, ne vont pas être anéanties parce qu'un fabricant de gaz puant invente dans son laboratoire un nouveau genre d'explosif. Petits éclats de rire nerveux, parce que Burrow, le professeur de chimie, pâle, maigre et inapte au service militaire, avait pour surnom le fabricant de puanteur. Autre explosion encore plus rapprochée. Reprenons notre travail. Si le destin veut que nous soyons bientôt interrompus, que l'événement nous trouve employer notre temps à quelque chose de réellement approprié. Y a-t-il quelqu'un qui demande à expliquer en mot à mot ? Ménard, un garçon joufflu, plein d'aplomb, intelligent et effronté, dit « Moi, monsieur. » « Très bien. Prenez la page 40 et commencez à la dernière ligne. » Les explosions se suivaient toujours, assourdissantes. Tout le bâtiment tremblait comme s'il était soulevé, arraché de ses fondations. Ménard trouva la page, qui était un peu plus loin, et commença d'une voix perçante. « Genus hoc erat pugnae. » C'était ce genre de combat. Cus et Germani exécuerant, auquel les Germains s'étaient exercés. Oh, monsieur Lebon, ça c'est vraiment drôle, monsieur, une de vos meilleures. On se mit à rire et Chips ajouta. Eh bien, vous voyez à présent que ces langues mortes peuvent quelquefois reprendre vie, hein, n'est-il pas vrai? Ils apprirent plus tard que 5 bombes étaient tombées dans Brookfield et aux environs, la plus rapprochée de toutes juste à la limite des terrains de l'école. 9 personnes avaient été tuées. On raconta l'histoire, on la répéta en l'embellissant. Le cher vieux bonhomme n'a pas eu une seconde la moindre frousse. Il a même trouvé une vieille blague pour illustrer l'événement. Quelque chose dans César sur la façon dont les Germains combattaient. On ne croirait pas qu'il y a des choses de ce genre-là dans César, n'est-ce pas? Et la manière dont Chips riait, vous savez comment il rit. Les larmes lui inondent la figure. On ne l'avait jamais vu tant rire. Il devenait légendaire. Sa vieille robe toute déchirée, sa démarche qui commençait à devenir trébuchante, ses bons yeux qui regardaient par-dessus ses lunettes à monture d'acier, ses propos humoristiques et pleins de finesse, Brookfield n'aurait pas voulu qu'il changeât d'un iota. Le 11 novembre 1918. La nouvelle arriva dans la matinée. On donna congé à l'école pour toute la journée et on supplia les cuisiniers de préparer le menu le plus magnifique que permit le rationnement du temps de guerre. Ce ne furent dans le grand réfectoire que chants et acclamations sans fin, puis une grande bataille à coups de morceaux de pain. Lorsque Chips entra au plus fort du tumulte, il y eut un instant de silence, puis clameur sur clameur. Tout le monde le contemplait avidement, les yeux brillants comme un symbole de victoire. Ça avait été une journée humide avec un fort brouillard, et en traversant la cour pour gagner le réfectoire, il avait pris froid. Le lendemain, il était au lit avec une bronchite et il y restait jusqu'après Noël. Mais dès le soir du 11 novembre, après sa visite au réfectoire, il avait envoyé sa démission au conseil d'administration. Lorsqu'eut lieu la rentrée de l'école après les vacances, il était réinstallé chez Madame Wickett. Sur sa demande, il n'y eut aucune cérémonie d'adieu ou de présentation. Il se borna à serrer la main à son successeur et on eut carillé les mots, par intérim, sur le papier officiel. La guerre était finie.